Un train part à 8h30 de la gare Saint-Lazare. Il part à l'heure et croise le TERB direction Juvisy en retard de 13 minutes à 8h52. Le conducteur s'appelle Jean-Michel. Une mouche s'envole depuis le wagon-bar du TER à 8h47 et des allers-retours jusqu'au premier train durant 51 minutes. Quelle est la durée du vol de la dite mouche depuis son départ du wagon-bar à 2 capis près? Vous arrondirez le résultat avec ces papiers millimétrés autorisés. Moi, j'habite pas Paris, moi. Moi non plus.